Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha qui passe au nom de Conseil national pour la restauration de l'accord d'Arusha de la Constitution de 2005 annonce la mise en place des organes adaptés à la nouvelle situation dans le but de restaurer l'accord d'Arusha et de la Constitution. Et puis le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vient d'ordonner le retrait des ânes qui avaient été donnés à la population de la commune Nyarusangé en province de Gitega. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et les cas de malnutrition s'observent à l'hôpital régional de Gitega. Des cas qui sont préoccupants principalement chez les enfants de moins de 14 ans. Mais ce qui inquiète le plus, surtout la responsable du service de stabilisation thérapeutique à cet hôpital, c'est que les malades vendent les produits thérapeutiques qui leur sont donnés. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et en actualité internationale, le jeune Malien Mamadou Gassama, qui a sauvé un enfant samedi à Paris, va être naturalisé français. C'est ce que lui a annoncé le président Emmanuel Macron lors d'un entretien à l'Élysée. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le Sénarède annonce la mise en place des organes adaptés à la nouvelle situation dans le but de restaurer l'accord d'Arusha et de la Constitution de 2005. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, après sa session extraordinaire de 3 jours, le Sénarède indique que l'accord d'Arusha est le garant de la démocratie au Burundi et que pour cela, son Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, Sénarède en sigle, passe au nom de Conseil national pour la restauration de l'accord d'Arusha de la Constitution de 2005. Suivez Pancras Chimay. Il était donc tout à fait normal que le Sénarède Guiditeka se réorganise, fasse une refondation susceptible de faire face à ce coup de force qui est extrêmement riche en conséquences désastreuses. Et que comptez-vous faire donc? Les actions à mener, les stratégies, ce n'est pas sur les ondes des radios que ça se passe ailleurs. Voilà, c'était Pancras Chimay, il est porte-parole du Sénarède. Et certains jeunes de la zone d'Igenda, de la commune Mugongo-Manga en province Bujumbura, affirment avoir dominé leurs divergences politiques en 2015 pour exécuter ensemble les projets de développement. Patrice Kayange, qui encadre ces jeunes via le projet de renforcement de la paix de l'organisation American Friends Service Committee, dit que le chômage et les idées divisionnistes des politiciens sont les principaux facteurs qui ont fait que les jeunes se divisent. L'administrateur communal de Mugongo-Manga demande quant à lui que des enseignements divisionnistes à ces jeunes cessent. À travers nos projets de renforcement de la paix, la cohésion sociale et la sécurité communautaire, appuyés par l'organisation American Friends Service Committee, les jeunes de la zone Igenda sont parvenus à surmonter leurs divergences politiques. Lors du festival de la paix tenu ce dimanche à Igenda, ces jeunes ont affirmé avoir connu des divisions pendant les manifestations de 2015, mais qui se sont aujourd'hui réconciliés. Un de ces jeunes, qui dit être du parti au pouvoir, indique que les jeunes de cette zone ont dominé leurs différences et mettent en exécution aujourd'hui des projets de développement ensemble comme l'élevage porcin. C'est pour lutter contre le chômage chez les jeunes. Nous sommes conscients de ce qui s'est passé en 2015. On ne peut pas y revenir. C'était des problèmes sérieux. Aujourd'hui, on a appris comment nous mettre ensemble dans les différents groupes pour réaliser les programmes de développement. Il y a ceux qui font le restaurant et d'autres l'élevage des porcs. Patrice Kayange, qui a contribué dans l'encadrement de ces jeunes, fait savoir qu'ils avaient connu des divergences suite aux idéologies divisionnistes des politiciens. Outre cela, il dit y avoir des autres facteurs de division comme la pauvreté et le chômage, raison pour laquelle cet encadrement a été centré sur les projets de développement. Les jeunes se sont affrontés. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. À notre arrivée, c'était très difficile de les rassembler. Un politicien, c'est comme un joueur. Un joueur, il ne rêvait que marquer le but. L'administrateur communal de Mugongo-Manga, Diomède Ndabahinyuye, dit se réjouir de ce projet de renforcement de la paix initié par American Friends Service Committee et demande cependant à ceux qui donnent des enseignements divisionnistes de l'arrêter. L'espoir que nous avons, c'est que la paix continue à régner dans notre commune. Il faut que ces gens sachent que les enseignements divisionnistes n'ont plus de place, qu'ils continuent alors dans l'élan de vulgariser la paix. Ce projet de l'organisation American Friends Service Committee de renforcement de la paix et la cohésion sociale a commencé en 2016 et opère dans les provinces de Bururi et Bujumbura ainsi que la mairie de Bujumbura. C'était un reportage d'Eli Nibel. Nibigira, il est 13h02 à Bujumbura. Les maladies causées par la malnutrition font parler d'elles en province de Gitega. Les enfants d'un âge inférieur ou égal à 14 ans sont les plus visés. Et le responsable du service de stabilisation thérapeutique à l'hôpital régional de Gitega révèle néanmoins que certains parents vendent des aliments thérapeutiques reçus de son service. Correspondance de Gérard Niwigira. Ces maladies causées par la malnutrition sont essentiellement le kwashiorkor et le marasme sévère, comme l'indique Odette Nyonguru, responsable du service de stabilisation thérapeutique à l'hôpital régional de Gitega. Il ajoute que les enfants d'âge inférieur ou égal à 14 ans sont les plus ciblés et que des fois même des adultes souffrent de ces maladies. Odette Nyonguru précise que depuis le mois de janvier 2018 à maintenant, 85 cas de ces maladies ont été enregistrés et traités à l'hôpital régional de Gitega. Elle souligne également qu'en 2017, c'était 154 cas et 262 cas en 2016. La pauvreté en serait la principale cause, insiste Odette Nyonguru. Elle explique qu'un malade passe en moyenne 12 jours à l'hôpital où elle prend du lait thérapeutique. Après les 12 jours, il rentre chez lui avec un kit de 2 semaines constitué du produit thérapeutique appelé plampinate, fabriqué essentiellement à base d'arachide. Néanmoins, Odette Nyonguru dit que certains parents des enfants malades vendent ces plampinates et leur demandent d'arrêter ce comportement. Ces plampinates sont en outre préférés par des enfants du quartier et se vendent clandestinement à un prix variant de 400 à 500 francs la pièce. En province Gitega, ce sont les hôpitaux de Kibuye, Gitega et Kibimba et Mutoyi qui disposent des services de stabilisation thérapeutique. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et un certain Jean-Marie Nilanyibagira qui habitait Kirimba en commune et province Bururi a été tué chez lui à l'aide d'un morceau de bois de chauffage vers 22h de ce dimanche selon l'administration locale. Les présumés auteurs de ce crime sont sa femme et son fils qui ont été arrêtés par la police à Bururi ce matin pour enquête selon des sources du commissariat de police à Bururi. Du sport, avant d'autres nouvelles, le championnat national de football en première division baptisé Primus League a pris fin le week-end passé. La formation Message Ngozi a remporté le championnat pour la première fois dans son histoire après avoir égalisé 2 buts partout avec Olympic Star. L'équipe Interstar qui a évolué depuis longtemps en première division a été reléguée en deuxième division pour la première fois dans son histoire également. Et le championnat national féminin de football était aussi à sa 10e journée à la fin de la semaine dernière. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Samedi le 26 et ce dimanche le 27 mai 2018, les derniers matchs du championnat national de football en première division baptisé Primus League ont été joués. C'est la formation de Message Ngozi qui a remporté son premier trophée de ce championnat pour la première fois dans son histoire. Message Ngozi, qui était en compétition avec Lydia Dick et Brunei Sport for Africa, avait besoin de l'égalisation dans un match qu'il a joué avec Olympique Star au stade Umucho de Muyinga. Et ce match s'est soldé sur l'égalisation de 2 buts partout. La formation de l'Interstar, qui a évolué en première division depuis 29 ans, a été reléguée en deuxième division avec Delta Star d'Ogatumba ainsi que la formation Les Jeunes Athlétiques. Du côté féminin, le championnat national a continué en 110e journée. Après avoir gagné plusieurs matchs, la formation de PVP Buyenzi a été battue cette fois-ci par Fofila PF Dongozi sur le score de 3-2. La Colombe FC a dominé Lyon Star 3-0 et 11 étoiles a été battue par Chris Roy Dogitega, 2-0. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé, c'est la finale du championnat européen Ligue des Champions où l'équipe Real Madrid a remporté son 13e trophée de la Ligue des Champions après avoir éliminé l'équipe britannique de Liverpool sur le score de 3-1. C'est la première fois dans son histoire que la formation de Real Madrid gagne ce championnat 3 saisons successives. Merci Jean-Marie Vianney. Je vous l'avais dit, le ministère burundais de l'Agriculture et de l'Élevage et de l'Environnement a demandé à l'administrateur de la commune Nyarusange de faciliter le retrait immédiat des ânes distribués par l'organisation Ogena Burundi. Cette distribution n'a pas respecté les procédures techniques de distribution des animaux exotiques en milieu rural. Mireille Kanyange, vous avez lu quelques correspondances sur ce dossier. Donnez-nous-en quelques éléments. Oui, Jean Bosco, ces animaux doivent être acheminés au centre de quarantaine de Mugina, en commune Mabanda de la province Makamba, selon cette correspondance du ministre Rurema adressée à l'administrateur de la commune Nyarusange. En province Gitega, et déjà selon certaines informations en provenance de cette commune, la remise officielle de ces 9 ânes s'est faite jeudi de la semaine passée, car le 9 venait de passer environ 9 mois, une remise faite en même temps que 21 vaches qui venaient elles aussi d'y passer 2 ans. Déjà dans une correspondance de ce ministère à la présidente de l'ONG Ogena Burundi, le secrétaire permanent au ministère burundais de l'agriculture précisait, se référant sur une lettre du 27 septembre 2016, qu'il marque son accord pour l'importation de 10 ânes en provenance de la Tanzanie pour le compte de cette association Ogena Burundi. Mais poursuivait le secrétaire permanent au ministère burundais de l'agriculture et de l'élevage, la création d'un centre d'élevage des ânes dans la province de Gitega était accordée sous réserve de certaines conditions. Jean Bosco, permettait de vous lire certaines de ces conditions. C'est que chaque âne devrait être accompagné d'un certificat d'origine et d'un certificat de santé délivré par un médecin vétérinaire du gouvernement tanzanien et que chaque âne devrait également être indemne de maladies sexuellement transmissibles et de se munir de certificats de vaccination valides contre la rage et le tétanos réalisés il y a au maximum une année. Une autre condition, c'était qu'il fallait aviser par écrit la direction générale de l'élevage au moins 72 heures avant l'entrée des animaux au poste d'entrée au Burundi pour lui permettre d'organiser une inspection sanitaire à cet endroit. Après cette correspondance, Jean Bosco, j'ai également lu la correspondance de la présidente de l'organisation Ogena Burundi qui date du 25 septembre 2017 où elle motivait à son projet, bien je cite, le nouveau projet que nous mettons en place ânes pour 1000 femmes burundaises avaient soulagé les femmes et enfants dans leur tâche de portage sur la tête. C'est un projet multisectoriel qui concerne autant l'agriculture, l'élevage, le tourisme, le commerce, le transport, l'artisanat et la santé. Fin de citation. Mais également vers la fin de cette correspondance de l'organisation Ogena, elle précisait, la présidente, que l'arrivée des ânes a été une grande joie pour les paysans, mais également pour toute la population environnante. J'ai également essayé de joindre le ministère burundais de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement pour en savoir plus. J'ai pu parler au porte-parole de ce ministère qui me disait qu'il n'a pas encore pu parler avec ses supérieurs. Nous continuons à les chercher dans l'après-midi de ce lundi. Merci Mireille Kanyang. En direct dans ce journal, il est 13h10 à Bujumbura. Et pour boucler ce journal, une nouvelle brève en actualité nationale et internationale. Ceux qui exercent leur commerce dans les boutiques et kiosques près du parking de Romwangé se plaignent de travailler à perte à cause du commerce ambulant qui s'y développe et demandent que l'activité soit bien réglementée. Et le conseiller technique au développement de l'administrateur de Romwangé dit avoir entendu ses lamentations lors du recouvrement de la taxe communale qui est en cours et promet une réponse adéquate. Et en actualité internationale, le jeune Malien Mamoudou Gassama, qui a sauvé un enfant samedi à Paris, va être naturalisé français. C'est ce que lui a annoncé Emmanuel Macron lors d'un entretien à l'Élysée. Ce sans-papier de 22 ans devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Et la décision est justifiée par un acte exceptionnel, comme l'a souligné le président français. En effet, samedi dernier, le jeune Malien sans papier a en effet escaladé à main nue la façade d'un immeuble du 18e arrondissement pour sauver un enfant suspendu dans le vide, agrippé à un balcon du 4e étage. Et c'est un acte de bravoure immortalisé dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Kadogo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, passez un bon après-midi.